Vous écoutez l'émission de l'auteur et philosophe Alexandre Timon, Les Révolutionnaires de Salon, sur Radio Impact. De salon. On va regarder une période très importante de l'histoire avec les Chinois de l'Antiquité. Les Chinois de l'Antiquité, c'est une des premières civilisations que le monde a connues. On va regarder les différentes dynasties, les différentes inventions et machines qui ont été construites à cette époque-là. Donc, les Chinois, eux autres, c'est les premiers qui ont construit une civilisation avant même la Mésopotamie, avant même l'Europe. Souvent, on va dire, ils ont 1000 ans à 2000 ans d'antériorité. C'est une civilisation qui date même un petit peu avant les Égyptiens. Pourquoi? Parce que il y a des groupes d'humains qui sont partis vers l'Asie avant même Sapiens Sapiens archaïque. Ça, il y a très longtemps, 1,5 million d'années. Donc, il y avait déjà des habitants dans la région de l'Asie. Ceux-là, ils ont commencé à fabriquer des objets, à s'habituer au climat, à se modifier génétiquement pour être en parfaite adéquation avec l'environnement. Bon, première affaire à savoir, les Chinois, c'est un des plus grands peuples, les peuples, le deuxième le plus intelligent sur la planète. Quand on regarde la map des quotients intellectuels partout sur la planète, c'est les deuxièmes après les Européens avec un quotient moyen de 103 points. Les Chinois, eux autres, sont évalués souvent à 106 points. Puis ensuite, on a les Juifs Ashkenaz à 107 points. Donc, les Chinois, ben c'est pas surprenant pourquoi ils se sont développés en premier de la civilisation. C'est parce que il y avait une tête plus ronde. Parce que les Chinois, les Asiatiques de l'Est et du Nord, c'est reconnu que eux autres, ils habitent proche de la Sibérie. La Sibérie, c'est l'endroit où il fait le plus froid sur la planète, à part en Antarctique. Où est-ce qu'on a enregistré des records de moins 72 degrés Celsius? Donc, le froid, les différentes aires glaciaires avec le temps, ça va avoir tendance à faire arrondir les différentes morphologies, les physionomies des animaux, etc., qui habitent dans ces latitudes-là. Donc, c'est pour ça que les Chinois, eux autres, c'est ceux qui ont la forme du crâne la plus ronde chez tous les types d'humains là, sur la planète, avec les Inuits, mais qui sont aussi des peuplades du Nord. Donc, les Chinois moyens du Nord, on parle des Mongols, on parle des Japonais, on parle des Coréens du Nord, du Sud. Bon, mais eux autres, ils ont un cerveau moyen d'une taille de 1406 cm3. Ce qui fait qu'ils ont un petit peu plus de cerveau encore que les Européens standards, ce qui fait que ça lui donne plus de neurones, de potentialité de connectique. Donc, on dit souvent que les Asiatiques du Nord et de l'Est sont meilleurs en mathématiques que les Européens. Mais au niveau de la philosophie, par contre, les Chinois, ben, il y avait un certain retard par rapport aux philosophes de l'Europe, par exemple Socrate, Platon, Aristote, qui avaient, semble-t-il, des philosophies qui étaient plus abouties au niveau conceptuel et que le niveau métaphorique à la chinoise, comme Confucius le préconisait et Lao Tzu, par exemple. Donc, c'est pour ça que dans les deux grands pôles d'innovation technologique, déjà à l'Antiquité ou à la pré-Antiquité, et puis aujourd'hui à notre époque moderne, ben l'Asie est encore un pôle important d'innovation avec l'Europe, les États-Unis qui sont des colonies européennes, et puis la Russie aussi, lorsqu'on a des Européens caucasiens. Donc, à notre époque, ben c'est les recherches de pointe, ben c'est dans la physique quantique, c'est dans les ordinateurs quantiques, c'est dans la conquête de l'espace, ben c'est dans ces pays-là que encore, ben il y a une rivalité finalement, là, que ce soit au niveau technologique, au niveau de la démographie, mais aussi maintenant au niveau économique. Là. C'est pour ça que la Chine s'est rendue la première puissance économique mondiale avec son 1,6 milliard de citoyens. Donc, c'est l'usine de la planète, comme on le mentionne souvent, avant même l'Inde, quoique l'Inde risque de dépasser la Chine d'ici quelques années, quelques décennies, à cause que les Chinois ont eu longtemps une politique de natalité de un enfant unique. Et puis souvent, ben par défaut, ils prenaient un garçon, ce qui fait que la Chine, en ce moment, elle se retrouve avec un problème là, de surpopulation là, des hommes. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des femmes en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, des Vietnamiennes, des Laotiennes, des Cambodgiennes, etc. Parce qu'en Chine, la proportion de femmes est trop basse. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils connaissent un ralentissement dans les prochaines années. Mais c'est ça, tout ça pour dire quand même que sont dans les recherches de pointe, c'est dans les peuples là, qui vont probablement avoir une bonne empreinte, qui vont faire une grande trace dans l'histoire dans les prochaines décennies, là, même voir le prochain 100 ans. Pour ce qui est à l'époque de l'Antiquité, ben c'est ça, il y a beaucoup d'inventions que les Chinois ont faites avant tout le monde, comme j'expliquais, on va regarder ça. C'est sûr que souvent, il y a des inventions qu'on peut dire, oui, ont été faites à l'avance, mais ce n'était pas nécessairement les inventions avec la complexité des inventions européennes. Par exemple, la mine chinoise avait été inventée, la grenade chinoise, mais ce n'est pas les grenades qu'on a connues par la suite, par exemple, rendues à la Première Guerre mondiale en 1914 ou un petit peu avant, là, après la Renaissance, où est-ce qu'il y a des inventions qui sont de plus en plus mécanisées et puis qu'il y a aussi, il y a eu l'apparition de l'électronique en Europe. Ce que là, finalement, les Européens, entre les années 1700, 1800, 1900, ont regagné une certaine longueur d'avance par rapport au monde asiatique, que les Asiatiques, eux autres, les Chinois plus particulièrement, ont tout fait pour rattraper le retard à partir de 1980. Sinon, sous l'ère de Mao Zedong, on va voir aussi qu'il y a eu un certain ralentissement, là. Il y a eu un refermement de la Chine sur elle-même pour prôner un protectionnisme communiste là, de l'État là, qui était assez important là, parce qu'il y avait une association aussi avec le gouvernement de la Russie, de l'URSS, donc il y avait quand même un certain partage des connaissances, ce qui faisait en sorte qu'il y avait moins besoin de s'ouvrir au monde là, comme ils l'ont fait par la suite après le départ de Mao Zedong là, qui avait fait la révolution chinoise. Donc on va regarder les différentes dynasties pour commencer. Puis, pas à pas, on va regarder aussi les inventions, là, qu'est-ce qui se démarquait des Chinois par rapport aux autres peuples qu'il y avait sur la planète à cette époque-là, là, mais c'est ça, souvent, c'est en comparaison avec le monde de l'Occident. C'est sûr que où est-ce que les Chinois vont s'installer habituellement, que ça soit n'importe où sur la planète, si on parle de leur capacité de développement, leur capacité génétique, leur comportement, leur intelligence, ben, si on regarde par exemple dans la ville de Singapour, bon, mais c'est une ville asiatique là, qui n'est pas nécessairement dans le nord de la Chine, mais pourtant on a un quotient moyen de 106, 108, puis la population là-bas est de 85% chinoise. Donc, partout ce que les Chinois vont avec leur grosse tête ronde, si vous voulez avoir un exemple, regardez le président directeur général Jeff Zhou, qui lui a une tête très ronde. Mais partout ce que les Chinois y vont, le quotient va augmenter dans la ville où est-ce qu'ils sont en proportionnalité de combien d'individus ils sont. Les Chinois aussi, c'est un peuple, eux autres, qui n'ont pas beaucoup de testostérone. Donc, ça fait qu'ils sont souvent imberbes, ils n'ont pas de poils, ils ont moins de muscles, ils ont des plus petits organes. Sauf que en ayant moins de testostérone, ben ils sont moins agressifs. Donc, quand on regarde les statistiques de criminalité des Chinois, peu importe où ce qu'ils sont sur la planète, habituellement ils vont bien s'assimiler de par leur grande intelligence, mais aussi qu'ils n'ont pas de comportement à problème là, au niveau de la criminalité, là, que ce soit dans les rues ou etc. Donc souvent ils vont commettre moins de crimes que l'ethnie européenne blanche. Donc ça on peut le voir avec les statistiques du FBI à chaque année. Les statistiques du FBI en 2016 vont le démontrer encore. Sur 100 000 personnes, eux autres font presque pas de crimes. C'est des gens qui sont aussi, les Chinois, très disciplinés. Ils vont écouter les autorités avec beaucoup de ferveur. Donc, ils forment une unité, une force au niveau de leur peuple qui est vraiment très synchronisée ensemble, qui a beaucoup de cohérence. Donc, quand les Chinois décident de travailler dans un sens, ben, ça l'opère très rapidement. On a juste à regarder, par exemple, la huitième merveille du monde, qui est l'armée des 8 000 soldats qui gardaient la momie de leur ancien empereur. Dans le fond, eux autres, c'est ça, il y avait 8 000 soldats faits en terre cuite, là. Et puis, ça, il y avait 10 000 armes de bronze qui étaient accrochées après ces soldats-là. Donc, ça fait quand même une superficie de 56 km². C'était un site aussi qui est situé à 1 200 km de Shanghai à l'ouest. Et puis, ce site-là, avec les 8 000 soldats, ça date de 22 siècles. Donc, on voit que depuis 2 200 ans, les Chinois avaient déjà des techniques très élaborées pour finalement opérer des forges industrielles qui ont rien à envier aux forges modernes qu'on a, par exemple, alimenté par l'électricité. Eux autres, c'était tout alimenté par des forces, on va le voir, des roues, des engrenages, etc., ce qui leur donnait quand même une capacité de production énorme. Les soldats ont été faits, ont été sculptés, ont été peints, ont été vernis à l'époque. Et puis, on a aussi fondu des épées de 90 cm de longueur. Et puis des fers de lance, des arbalètes. On a même retrouvé dans ce site-là un char qui était tout fait en bronze avec un parasol. C'est le plus grand vestige archéologique qu'on a retrouvé dans toutes les civilisations de l'humanité, c'est ces chars-là, qui étaient faits avec un haut degré de perfection, qui avaient même des soudures avec des plaques de bronze là-dessus. Donc, puis aussi, ils utilisaient l'oxyde de chrome, qui est un métal pour, dans le fond, protéger les coins là, des soudures, là. Puis aussi, il y avait des pièces qui étaient imbriquées une dans l'autre. Donc, les Chinois avaient déjà des techniques d'orfèvrerie là, assez développées là, pour il y a 2 200 ans, ce qu'on n'avait pas du tout en Europe à cette époque-là, là, même chez les Romains au tournant de l'an 0 de Jésus-Christ, les Romains n'avaient pas un travail du bronze comme on l'a trouvé là, dans l'Empire chinois. C'est ça, dans le fond, eux autres, il y avait des meules géantes aussi, là. C'est sûr, ils ont été capables de faire une révolution industrielle à l'époque, où est-ce qu'il y avait des mécanismes hydrauliques qui, avec des engrenages perpendiculaires, permettaient de faire tourner 9 meules de 2 tonnes. Et puis, c'est des roues qui étaient crampées de façon horizontale, comme une espèce de steering de bateau, là, avec toutes des... une roue, là, un cercle, avec tous des morceaux de bois qui vont vers l'extérieur. Puis ça, dans le fond, avec une roue à aube qui est alimentée par de l'eau en bas, ça faisait tourner cette roue-là, qui faisait tourner une autre roue verticale. Et puis à ce moment-là, ça, c'était capable, après ça, de faire tourner les pièces nécessaires pour moudre le grain. Et puis c'est ça, il y avait des processus qui étaient tous automatisés pour aider à produire en grande quantité pour l'armée, pour le peuple, pour alimenter, dans le fond, en nourriture, là, les grands bassins de population, parce que les Chinois, même à cette époque-là, étaient très nombreux. Il y avait des grandes villes avec beaucoup de gens. Donc, ça prenait des machines pour alimenter ça. Ça ne pouvait pas tout être fait à la main, là, à la mitaine, par chaque Chinois, même si, encore là, il y avait une grande capacité là, d'utilisation des travailleurs. Donc, c'est ça aussi. Une autre façon qu'il y avait, dans le fond, d'utiliser la force de l'eau, c'est qu'il y avait aussi... relier 8 marteaux avec un arbre à canne qui était ensuite relié encore une fois à une roue moulin à eau. Donc à partir d'un ruisseau, on faisait tourner une roue. Cette roue-là, elle rentrait vers l'intérieur de la bâtisse qui était recouverte là. Et puis ce bâton-là qui est l'arbre à canne, lui il y avait des morceaux de bois de chaque côté. Puis quand ça, cette tige-là tournait, bien, les morceaux de bois, eux autres, ils venaient s'appuyer contre le levier du marteau. Puis une fois que le bâton était rendu en bas, le marteau, lui, il relevait complètement en haut. Encore là, il était à côté sur un levier. Puis ensuite, il retombait par en bas, ce qui permettait de fournir une force avec une pression de 45 kg. Donc, avec les 8 marteaux, ça donnait quand même un total de 360 kg. Ce qui permettait non seulement de moudre du grain, mais également de façonner des pièces de métal plus grandes avec seulement un à deux employés qui surveillaient les marteaux comme ça qui frappaient en continu, là, alimentés par le ruisseau. Ce qui, encore là, les Romains, par exemple, n'avaient pas ces procédés-là, là, ce qu'on a retrouvé à date. Là. Pour cette époque-là, c'est sûr que c'est des machines qui n'étaient pas connues vraiment en Occident. Les Chinois aussi avaient... un odomètre qui leur permettait de calculer les mètres quand l'armée voulait se rendre d'un point à l'autre, ou pour les arpenteurs géomètres de l'époque, pour l'empereur qui voulait connaître les distances entre ses différents royaumes. Donc, en faisant sonner une cloche, à chaque fois que les roues du chariot faisaient tourner une petite roue qui faisait retourner une grande roue dentée, et puis finalement, rendu au bout, ben ça tirait une corde quand la grande roue avait fait un tour complet. Puis cette corde-là, ben ça, c'était attaché après un petit marteau. Puis le marteau du bonhomme, lui, il cognait sur la cloche. Puis ça signifiait qu'on venait de parcourir un demi-kilomètre. Donc, comme ça, l'Empire pouvait vraiment calculer les distances de façon précise, comme le fait par la suite Archimède avec son odomètre qu'il avait inventé pour l'armée romaine, mais que lui, fonctionnait avec un peu le même principe, mais que c'est les petits... À chaque fois que les roues tournaient, rendues à un kilomètre, ça faisait tomber une petite bille dans un tiroir. Donc, ensuite, les soldats de l'armée romaine avaient seulement qu'à ouvrir le tiroir, calculer le nombre de billes de métal, puis on avait la distance parcourue par l'armée sur les routes que les Romains construisaient, là. Donc, les Chinois avaient, eux autres avec, là, un équivalent, là. Ils maîtrisaient très bien le calcul, puis la façon de faire tourner les roues dentées, là. Il est arrivé à une science assez précise. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les Chinois, c'est la première civilisation mondiale qui est arrivée avec le premier système de production à la chaîne, bien avant les usines là, de Ford et puis les usines à vapeur là, qu'on a connues en Angleterre. Là. Mais c'est sûr, il y avait de la production à la chaîne sous les Romains, un peu sous les Grecs, là, différents empires quand même, ou, que ce soit même les Vikings ou les Germains là, ou les Celtes. Mais quand même, du niveau de la Chine impériale, avec les milliers de travailleurs qu'on connaît, là, qu'on peut s'imaginer aujourd'hui par rapport aux usines chinoises qui fonctionnent jour et nuit, qui sont le centre de production mondial là, de tous les petits biens et services, là, on peut s'attendre qu'à l'époque de la Chine, ben il y avait déjà une production qui ressemblait à ça. Là. Donc, eux autres, dans leur forge, ben ils étaient capables de... de produire un haut volume de fer liquide avec de l'air, que dans le fond, pour réussir à faire fondre le fer, ben il fallait qu'il y ait un soufflet géant qui fournisse un débit régulier d'air, et puis comme un piston là, qui fait tourner un vilebrequin. Et puis ça, c'était les soufflets géants, en fait, c'était alimenté encore là par le même mouvement des aubes, des moulins à eau qui étaient sur le côté là, des usines, finalement, là, qui, à partir du courant de l'eau, permettaient d'actionner différentes roulettes, différents bras articulés qui, finalement, entraînaient un mouvement qui faisait souffler là, sur la forge en continu là, les soufflets, au lieu que ce soit des employés chinois là, qui aient besoin de souffler ça manuellement, là, ce qui devait les emboucaner pas mal. Mais là, avec des systèmes automatisés comme ça, ben il y avait des débits constants, il y avait des productions constantes. À ce moment-là, les employés pouvaient uniquement s'affairer à forger à l'intérieur, verser les métaux, ramasser le métal liquide une fois qu'il était chauffé. Ce qui lui permettait finalement de faire des différentes pièces là, de métallurgie. Là. Une fois qu'il y avait un moule avec le fer fondu, ben il pouvait insérer ça dans le moule, puis après ça, obtenir les formes qu'il voulait, que ce soit pour l'armement, que ce soit pour les pièces usuelles, là, les ustensiles, etc., là, les objets aussi qui servaient à l'empereur. Parce que c'est sûr qu'à cette époque-là, comme en Europe, au Moyen-Âge, ou même avant, là, quand il y avait des objets très rares, ben c'est souvent les plus riches qui les avaient ou ceux qui appartenaient, dans le fond, au pouvoir. Puis même chez les Égyptiens, comme on a vu la semaine passée, ben c'était le même principe. Là, les objets nouveaux, là, les objets extrêmement rares, c'est pas n'importe qui. Là, c'est pas le paysan qui avait ça dans les mains, là, comme ça, là, de prime abord. Une autre invention aussi que les Chinois ont faite... c'était des puits de forage, il y a 2000 ans, qui servaient à aller chercher de l'eau saline dans le fond de la terre. Donc, eux autres, il y avait un système de forage avec une tige qui était remontée avec un balancier. Puis ça, mettons, c'était comme un grand cadre, un grand frame, où est-ce que là, il y avait de chaque côté... deux grands beams qui servaient finalement à soutenir le pieu qui était pour s'enfoncer dans la terre le plus profondément possible. Et puis, on remontait la tige là, avec la force, avec une bobine, avec la corde enroulée, puis un bœuf qui tirait à l'autre bout. Ça faisait crinquer le système, ça faisait remonter le poids. Et puis, avec le balancier, ben les autres, il y avait juste à repaiser un coup sur le coin, puis là, paf, ça redonne un coup dans le fond. Fait qu'avec ça, tranquillement, pas vite, puis un bout pointu, là, ben il était capable de percer la terre, dans le fond, le sable, peu importe là, l'endroit où ce qui était, là, peut-être pas le roc, là. On parle pas des puits de forage là, de notre époque, là, ceux qui ont servi par après pour la recherche de pétrole. Mais quand même, ça permettait de creuser et puis atteindre les couches aquifères, puis on déviait l'eau qui était extraite de ça pour finalement essayer d'aller la chercher parce qu'il y avait beaucoup de sel à l'intérieur. Ensuite, il restait juste à la faire bouillir, faire sécher l'eau, et puis le sel finalement pouvait être extirpé puis revendu à un prix d'or sur le marché. Donc c'était une technique utilisée en Asie pour aller chercher du sel, ou est-ce qu'il n'y en avait pas tant que ça là, à l'état naturel là. C'est pas comme dans les déserts là, du Moyen-Orient ou en Afrique où est-ce qu'il y a des endroits là, où est-ce que, à même le sol il y a des couches là, stratifiées de sel, où est-ce qu'on peut aller piger directement des gros morceaux là. Donc les Chinois, eux autres, ils avaient déjà inventé ces puits-là là, très longtemps à l'avance là. En Europe, il n'y avait pas de puits de forage là, de ce type-là. Donc, aussi, une invention qui était bien importante, ça a été le sismoscope. Ou est-ce que c'est ça, avec leur technique, finalement, là, d'orfèvrerie, de coulage des métaux, ben, ils ont réussi à faire des boules qui étaient dans une immense structure avec une espèce de chaudron, finalement, là. Et puis, là-dedans, ben, il y avait un mécanisme de pendule inversé qui fait que toutes les boules, les autres, ils étaient balancés comme il faut avec le même poids. Puis ça, il y avait des boules qui faisaient toute la circonférence du gros chaudron, là, avec un certain degré de différence entre chaque boule. Ce qui fait que s'il y avait un tremblement de terre qui arrivait d'une certaine région, ben la boule qui était dans la direction de cette région-là, le pendule inversé, lui, s'activait à l'intérieur, puis la boule tombait par terre. Puis la boule, elle était maintenue dans une espèce de sculpture de bouche de dragon. Donc, même les Chinois réussissaient à faire des prouesses, finalement, dans le fond, de travail là, avec les métaux, là. Ce qui faisait en sorte qu'il donnait quand même un certain côté esthétique à l'appareillage qu'il construisait. Non seulement pour faire beau, mais pour faire plaisir à l'empereur, pour montrer leur degré de perfection finalement, puis de capacité là, à transformer les métaux là, de la façon qu'il voulait. C'est sûr qu'une époque qui était très marquante sous la Chine impériale, là, ensuite je vais nommer les dynasties, là, comme j'avais expliqué, c'est sûr qu'une des dynasties les plus importantes, ben, ça a été la dynastie Song. Qui est arrivé au tournant du premier millénaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs techniques qui ont été découvertes par cette dynastie-là, comme par exemple ben, l'invention du papier, ensuite l'invention de l'imprimerie, version chinoise, ensuite l'invention de la poudre à canon, ensuite la boussole, et puis ça, dans le fond, ça s'est produit, là, comme j'expliquais avec les puits de forage, là, c'est qui est un petit peu avant, là, mais cette dynastie-là s'est produite entre l'an 960 à l'an 1279 après Jésus-Christ. Puis c'est un empire, l'Empire Song, qui s'est étendu autant au nord qu'ensuite au sud de la Chine. La poudre à canon, c'est sûr que ça a causé une grande révolution, là, parce que à partir de la poudre à canon chinoise, bon, c'est sûr que par la suite, dans le reste du monde, cette recette-là, elle était appliquée, là. C'est que c'était la base, vraiment, pour toute la nouvelle ère des armes à feu. Ça a commencé avec les canons. Et puis, après ça, ça s'est spécifié tranquillement, pas vite, pour avoir des armes à feu. Puis, aller jusqu'aux armes contemporaines qui utilisent encore un type de poudre à canon là, similaire, là, qui est contenu dans des balles plus solides, plus serrées, là, plus précises. Mais à la base, ça vient des Chinois là, qui ont inventé la poudre à canon en premier, là, bien avant le TNT, la nitroglycérine, etc. Donc, la recette standard que les Chinois, eux autres, confectionnaient, bien, c'était essentiellement avec du salpêtre mélangé avec du soufre, puis ensuite avec du charbon de bois. Et ça, c'était dans des quantités, des ratios très précis. Puis selon les ratios que les chimistes chinois concoctait, ben à ce moment-là, ça avait des propriétés qui étaient différentes, soit plus explosives, moins explosives. Aussi, il faut se rappeler que les Chinois, ben c'est les inventeurs des feux d'artifice. Et puis, dans le fond, il y avait une science développée autant pour faire de la poudre à canon, pour faire des armes, que pour faire, pour couper en petits morceaux, là, mettre en poudre différents métaux. Ce qui faisait qu'en sorte qu'en mettant ces copeaux-là dans les feux d'artifice, dans les bombes là, qu'ils créaient à partir de la poudre à canon, bien, ça lui permettait de faire des effets spéciaux avec différentes couleurs en fonction des différents métaux utilisés. Donc, c'est pour ça que les Chinois, eux autres, ils ont une longue tradition de fête, par exemple, du dragon, et puis toutes sortes comme ça de personnages là, légendaires, mythiques. Propre à leur culture. Et puis, ben, à chaque fois qu'ils faisaient des fêtes comme ça, ben, ils utilisaient différents types de feux d'artifice. Fait que tranquillement, pas vite, ben, ils ont réussi à maîtriser ça. Ce qui leur a permis après ça de créer des armes extrêmement dangereuses par rapport à d'autres armées. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits souvent avec, mettons, le Japon de l'époque qui avait peine à contenir finalement les invasions de la Chine, là, parce qu'on sait que la Chine était continentale, était beaucoup plus impressionnante que la petite péninsule japonaise. Et puis le même problème avec la Corée, où est-ce qu'il y avait des invasions chinoises assez fréquemment. Donc, comme en plus la Chine créait des armes indestructibles, ben ces peuples-là ont eu de la misère à résister. Et puis finalement, ben au bout du compte, pour ceux qui ont réussi, ben ils ont fini par se créer une culture spécifique là, au Japon, à la Corée, etc., à la Mongolie, là, où est-ce qu'il y avait des invasions souvent là, avec les peuples des steppes, là, comme on va voir plus tard, le Genghis Khan et compagnie. Bon, les principales dynasties qui étaient le pouvoir en place, on parle de la dynastie Shang, qui était de 1570 à 1045 avant Jésus-Christ. Ça a duré 525 ans. C'est le début officiel de l'écriture chinoise. Puis on sait que l'écriture chinoise est assez complexe, là, avec toutes ces sigles qui représentent chacun un mot, au contraire du japonais, où ce que un sigle représente une syllabe, et puis comme ça, ils peuvent composer des mots. Tandis que le chinois, ben, maison, c'est un sigle particulier. Si c'est, ça a le rapport, par exemple, à maison avec une variante, ben, il va avoir des petites lettres, des petits traits qui vont être faits sur le symbole standard de maison. Donc, c'est comme ça qu'ils vont se repérer. Fait qu'on peut penser aussi que ça l'a sollicité très tôt, finalement, l'intelligence, la mémorisation des Chinois jusqu'à aujourd'hui, où ce qu'on sait que ce peuple-là a un des langages les plus complexes que l'on retrouve sur la planète Terre. Donc, ensuite, ça a été la dynastie des Zhou de l'Ouest, Z-H-O-U, de 1045 à 771 avant Jésus-Christ. C'est une dynastie qui a duré 275 ans. Ensuite, il y a eu la dynastie des Zhou de l'Est, de 770 à 256 avant Jésus-Christ. C'est un empire qui a duré 514 années. Ensuite, il y a eu la période des printemps et des automnes, de 722 à 476 avant Jésus-Christ. C'est une période qui a duré 246 ans, pendant laquelle il y a eu la vie de Confucius, qui est un grand philosophe chinois, de 551 à moins 479 avant Jésus-Christ, et puis aussi de Sun Tzu, de 544 à 496. Ensuite, ça a été la dynastie du royaume des combattants, de 475 à 221 avant Jésus-Christ. C'est une dynastie qui a duré 254 ans. Ensuite, une autre dynastie assez importante, la dynastie des Qin, qui a duré de 221 à 206 avant Jésus-Christ, seulement 15 ans, mais avec de grands bouleversements quand même sociaux, là. Ensuite, la dynastie des Han occidentaux, de 206 avant Jésus-Christ à l'an 9. C'est une dynastie qui a duré 215 ans. Ensuite, il y a la dynastie des Xin, de l'an 9 à l'an 23. Ça a duré seulement 14 ans. Ensuite, il y a eu la dynastie des Han orientaux, de 25 à 220. C'est un règne qui a duré pendant 195 ans, où est-ce qu'on a finalement adopté le confucianisme comme une idéologie étatique. Ensuite, il y a eu la dynastie des Trois Royaumes, de l'an 220 à 265 après Jésus-Christ, donc pour une période de 45 ans. Ensuite, il y a eu la dynastie des Jin occidentaux, qui a duré 52 ans, de l'an 265 à 317 après Jésus-Christ. Il y a eu la dynastie des Jin orientaux, de 317 à 420 après Jésus-Christ. Ça a duré 103 ans. Ça, c'est l'époque environ à laquelle l'Empire romain a basculé en Europe, en l'an 400, là. La dynastie du Nord et du Sud, qui a duré 169 ans, et puis, c'est de l'an 420 à l'an 589. Pour l'équivalence, en Europe, on était tombé dans le Moyen Âge, qui était un recul, entre guillemets, là, des connaissances et puis des constructions là, unifiées, à comparer avec l'époque romaine, où ce qu'il y avait une certaine homogénéité des constructions partout en Europe, parce que c'est l'Empire romain qui dominait partout, la Pax Romana, la paix romaine, pour assurer le marché et le développement des peuples. Ensuite, il y a eu la dynastie Sui, de 581 à 618 après Jésus-Christ, pour une période de 37 ans. Ensuite, une autre dynastie importante, la dynastie Tang, T-A-N-G, de 618 à 907 après Jésus-Christ, pour une période de 289 ans. Donc, on était rendu presque à l'an 1000. En l'an 1000, ben encore là en Europe, c'était le début de la construction des châteaux. Donc, on peut s'attendre à ce que sous la dynastie Tang, en Chine, ben, il y a eu quand même des grands bouleversements au niveau des technologies, là, qu'on va plus regarder en détail dans les prochaines conférences, là. Ensuite, il y a eu la période des 5 dynasties et des 10 royaumes, qui a duré 53 ans, de l'an 907 à l'an 960. un empire très important, la dynastie des Song du Nord. Comme je mentionnais tantôt, les Song qui ont fait beaucoup de bouleversements technologiques, beaucoup d'innovations, qui ont aidé la Chine par la suite de 960 à l'an 1027 pour une période de 167 ans. Ensuite, encore le même empire, les Song, mais du Sud, de l'an 1127 à l'an 1279 pour une période de 152 ans. Ensuite, il y a eu la dynastie Liao qui a duré 209 ans, de l'an 916 à 1125. Là, en Europe, on est dans le plein essor là, du développement des châteaux, des forteresses. Tranquillement, pas vite, on s'en va vers les cathédrales. La dynastie Jin, qui a duré 119 ans, de l'an 1115 à 1234. Là, on commence à arriver là, vers la fin du Moyen Âge, là, vers le début là, de la modernité, là, comme on va dire. Ben, c'est sûr avant la Renaissance, tout ça en Europe, là, mais les Chinois, là, eux autres avec, là, ils étaient rendus avec un niveau de perfectionnement de leur civilisation assez avancé. Ensuite, il y a la dynastie Yuan, de 1271 à 1368, qui a duré 97 ans. Donc, ça, c'était sous l'époque de la Pax Mongolica, où est-ce que, finalement, les troupes de Genghis Khan avaient dominé les steppes sibériennes de Russie pour se rendre jusque dans l'est de l'Europe et puis faire pression sur les peuples d'Europe de l'Est, là, les Slaves, on parle des Germains, on parle de tous les peuples là, à la jonction, là, finalement, de l'Asie, là, du Proche-Orient et puis de l'Europe. C'est à cette époque-là aussi que Marco Polo aurait fait ses voyages en Chine, que selon plusieurs historiens, ben, il n'y a rien qui assure que Marco Polo a vraiment été là-bas. Sauf que selon les témoignages des récits là, de certains ponts, par exemple, qui auraient franchi, il aurait mesuré les piliers entre chaque morceau du pont. Et puis finalement, ça serait ces voyages-là, finalement, auraient été corrélés par la suite comme étant véridiques. Là. Et puis, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, ben, il y avait la route de la soie. Et puis la route de la soie, ça permettait de rapporter des étoffes de soie vers l'Europe. Il y avait un chemin là, qui passait à partir de la Chine jusqu'à l'Europe. Puis il y avait un commerce comme ça qui avait commencé à être élaboré. Et puis les Chinois se sont gardés jalousement la recette de la soie jusqu'à temps que les Britanniques volent leur recette plusieurs centaines d'années plus tard pour essayer finalement de copier leur méthode puis d'arriver à fabriquer des étoffes d'une grande finesse là, en Europe pour les cours royales, pour les différentes applications là, finalement là, de la mode et puis aussi des différents types de matériaux utilisables là, en Europe. Il y a aussi des parallèles à faire avec le gouvernement et puis le peuple de la Chine d'aujourd'hui qui encore veulent développer finalement un chemin de fer qui va prendre à peu près le même parcours que l'ancienne route de la soie qu'ils ont maintenu pendant des centaines d'années. Là. Et puis là, le nouveau chemin de fer va partir vers l'Afrique et puis vers l'Europe afin d'alimenter là, ces marchés-là. Là, l'Afrique est un grand marché pour la Chine. Autant pour aller vendre des articles là-bas, là, ils vont faire du dumping commercial, ils vont envoyer des containers là, de tous les petits produits, là, les objets de plastique qu'ils fabriquent, toutes sortes de cossins là, pour donner des débouchés finalement à leur production intérieure. Puis aussi, les Chinois ont commencé à acheter des ports en Europe pour aussi aller faire du dumping, non seulement maritime, mais aussi par la suite, par l'entremise de du chemin de fer de la nouvelle route de la soie. Donc, vous voyez que les Chinois, même 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, sont encore à utiliser les mêmes réseaux routiers qu'à l'époque. Donc, il y a des impératifs géostratégiques et commerciaux qui restent pareils, finalement, là, au fil de l'évolution de l'histoire. Ensuite, il y a aussi la dynastie Ming, qui a duré 276 ans, de l'an 1368 à l'an 1644, où est-ce que là, il y a eu une certaine renaissance culturelle et économique, encore une fois. Et puis, on a eu des nouvelles techniques pour l'imprimerie, les techniques pour utiliser le fer, encore là, la soie et aussi les porcelaines chinoises qui sont très réputées autant à notre époque qu'à cette époque-là. Les artisans chinois avaient une grande minutie là, pour fabriquer des objets qui pouvaient servir ensuite à l'empereur. et puis à la Chine impériale de toutes ses formes. Ensuite, on parle de la dynastie Qing, avec un Q-I-N-G, de 1644 à 1912. Donc, on parle là, de l'ère très contemporaine. C'est une période dynastique qui a duré 268 ans. Après ça, on est à l'ère moderne, où est-ce qu'on a eu la République de Chine, de l'an 1912 à 1949. Donc, on peut voir que ça suit approximativement le début de la Première Guerre mondiale en 1914 et puis aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Puis là, bon, la République de Chine a duré jusqu'en 1949, donc pour une période de 37 ans. Ensuite, il y a eu la République populaire de Chine sous Mao Zedong, justement, de 1949 à l'époque actuelle. Donc, ça fait plus de 70 ans. Et puis, eux autres, dans le fond, les Chinois, c'est qu'ils ont copié essentiellement le système communiste russe de l'ex-URSS pour finalement adapter à leur politique, à leur propagande, tous les symboles forts, finalement, là, que l'URSS avait véhiculé à partir de la révolution de 1917 avec Lénine, puis ensuite avec le stalinisme. Donc, les Chinois, eux autres, sous Mao Tse-tung, ont vraiment pris ça à plein fouet là, comme virage là, idéologique. Donc, la Chine, depuis ce temps-là, est restée communiste. Ça veut dire que le parti politique fort en ce moment, c'est le Parti communiste. Pour être respecté là-bas, il faut avoir sa carte du Parti communiste. Ensuite, ben les communistes, ben ils vont plus vanter finalement le partage des ressources pour que les paysans les plus pauvres puissent quand même avoir un certain minimum pour vivre, là, et puis qu'ils aient accès à des services de base, au contraire des systèmes capitalistes d'extrême droite, où est-ce qu'il faut payer pour chaque truc. En Chine, c'est connu que le gouvernement va faciliter tous les services, autant pour la petite population que pour les entreprises, afin de développer le commerce là, intérieur, et puis finalement là, favoriser les exportations à l'international. Donc, ça, c'est pour les dynasties principales qui ont comblé l'histoire de la Chine. Maintenant, je vais continuer avec les inventions de l'Antiquité. Bon, eux autres, la Chine, premièrement, il faut savoir le territoire, là. C'est sûr que le premier empire qui a fusionné tout l'ensemble du territoire de la Chine qu'on connaît aujourd'hui, là, plus ou moins, là, c'est l'Empire Qin, la dynastie Qing. Donc, c'est eux autres, finalement, qui ont eu une vision globale du territoire, là. Et puis, dans le fond, eux autres, les Chinois, par la suite, c'est qu'avec leur flotte de navires, ils faisaient pas la guerre tant que ça aux pays qui étaient autour. Parce que l'Inde, ben c'était sur le continent, c'était plus au sud-ouest. Tandis que l'Empire du Japon, ben il y avait une flotte de navires, mais c'était pas ça qui menaçait tant le continent chinois, là. Donc, eux autres, avec leur flotte de navires, qui était quand même assez développée, ben ils circulaient plus à l'intérieur des terres, sur les fleuves chinois, qui couvraient quand même une superficie de 50 000 km. Et puis, c'est ça, dans le fond, les Chinois, eux autres, leur flotte de navires, c'était des immenses bateaux, avec des structures très légères, avec un fond plat, qui était plus facile, finalement, de faire circuler dans les fleuves qui avaient peu d'eau, là. Donc, c'était aussi des navires qui étaient faits avec des cloisons hermétiques, ce qui faisait en sorte que si, par exemple, il y avait un compartiment qui avait une fuite, qui avait un morceau là, de planche là, qui était mal installé ou qui avait quelque chose, par exemple, dans le fond de l'eau, une roche qui venait défoncer une partie du navire, ben à ce moment-là, il y avait juste un compartiment qui était rempli d'eau, puis les deux autres compartiments ben étaient étanches, donc le bateau ne coulait pas. Donc ça, c'est des systèmes qui ont été inventés par les Européens beaucoup plus tard. Puis aussi, il y avait un grand gouvernail géant qui, avec leur système, ils étaient capables de leur monter s'ils voyaient que l'eau était pas assez profonde et puis que le sable ou quoi que ce soit de la roche menaçait d'arracher finalement le gouvernail. Comme dans les bateaux européens, eux autres, le gouvernail était beaucoup moins amovible. Tandis que les Chinois, eux autres, ils étaient habitués de naviguer dans les terres intérieures. Donc, il y avait des bateaux là, qui étaient plus adaptables, finalement, que les grands navires qui naviguaient dans l'océan, là, chez les flottes maritimes européennes. Donc, c'est ça. Mais quand même, il y avait des bateaux qui étaient capables de parcourir des grandes distances. C'est pour ça qu'on pense que peut-être que y aurait des bateaux qui auraient traversé finalement jusque en Amérique, à partir de l'océan Atlantique. Souvent, on va dire que les Amérindiens, ben eux autres, c'est des anciens peuples asiatiques qui ont colonisé finalement le détroit de Bering il y a 10 à 12 000 ans pour envahir toute l'Amérique au complet. Mais il y aurait aussi peut-être des provenances de la part des grands voyages des Chinois qui parcouraient les océans là, avec des flottes de 15 à 25 navires là, géants. Puis ça leur permettait tout de se protéger un bateau par rapport à l'autre s'ils rencontraient des flottes ennemies. Les navires, le nom que ça s'appelait, c'était des jonques. Et puis, dans le fond, ils en ont produit des millions de ça, ces bateaux-là, là. Et puis, dans le fond, il est en avance sur tous les autres peuples là, de la planète, là, plusieurs centaines d'années en avance, là. C'est aussi des bateaux qui avaient, en général, il pouvait être grand comme un terrain de football, là. Il y en avait qui c'était 200 mètres par 200 mètres. En haut de ça, ben ça, il y avait trois étages principalement. Donc, ils pouvaient stocker une armée de plusieurs milliers de personnes sur ce navire-là. C'est 584 ans après Jésus-Christ là, qu'on a commencé à avoir des plus grandes flottes de ça, là. Ensuite, il y avait des palans lestés sur les côtés que s'ils voulaient s'accrocher à un autre bateau ou taper sur un bateau avec une espèce de masse, là, ben il y avait des systèmes là, pour donner un coup là, avec un mécanisme. Et puis au début, bon, c'est sûr, ils étaient articulés, ces bateaux-là. Ils avançaient finalement avec des rameurs standards. Mais avec le temps, comme les Chinois, eux autres, maîtrisaient beaucoup l'application des roues à aubes, comme on parlait au début, là, avec les roues à moulin à eau, là, bon, mais ils ont installé ça aussi sur leur navire géant. Ce qui faisait que leur navire pouvait, d'un seul coup, faire une rotation de gauche ou retourner complètement à droite, de passer de bâbord à tribord. Sans avoir là, sans qu'on voit les rames là, finalement de chaque côté là. Donc au début les armées adverses se demandaient comment les bateaux chinois faisaient pour virer comme ça sur eux autres mêmes sans que ça paraisse, mais c'était les roues à aubes qui étaient cachées à l'intérieur du bateau qu'on voyait très peu. Et puis il y a même certains bateaux géants qui avaient jusqu'à 32 roues pour déplacer. Puis là c'est des gens à l'intérieur là, qui faisaient tourner ça là. Ou des animaux. Donc, c'est sûr aussi, ces bateaux-là pouvaient avancer avec des voiles. Puis, je vais parler tantôt là, de comment que les Chinois faisaient la configuration des voiles. C'est aussi, les Chinois faisaient des petits navires pour faire l'espèce de terrorisme comme des sous-marins là, à notre époque, là. C'est que c'était des petits navires doubles qui pouvaient se séparer en plein centre. C'était fait comme en forme retroussée de chaque côté, là, comme des souliers turcs, là. Et puis, quand ils voulaient attaquer un bateau, ils envoyaient comme ça un petit canoë. Et puis, d'un côté, il y avait des bombes qui étaient installées sur le deck. Et puis, ce morceau de bateau-là, ben lui, il pouvait se greffer à un autre bateau plus géant. Ensuite, la deuxième partie du bateau repartait avec les Chinois. Eux autres, ils allumaient les mèches, puis ils se sauvaient. Puis si l'armée adverse n'avait pas détecté la présence du petit bateau, ben à ce moment-là, ils pouvaient créer de sérieux dommages à l'extérieur du bateau en faisant exploser finalement là, un côté, là. Et puis, dans le fond, c'est ça, il y avait des gouvernails géants qui étaient 1 000 ans en avance sur toutes les autres flottes maritimes de la planète. Puis, c'est ça, il y avait des. Dans le fond, les voiles, c'était essentiellement tout le temps le même type de voile. C'est sûr, c'était pas les mêmes voiles que les bateaux européens avaient, là, autant que ce soit les drakkar vikings, que ce soit les flottes espagnoles ou du Portugal, anglaises ou françaises. C'était des voiles qui étaient faites à partir d'un mât en croix, comme une croix chrétienne. Il y a un côté du mât horizontal en haut qui était un petit peu penché à gauche ou à droite, là. Il y avait un certain angle. Après ça, on accrochait une grande toile rectangulaire après ce mât-là. Sauf que la toile, elle pouvait se rétracter du haut vers le bas. avec des contrepoids finalement, là, quand la voile était trop grande, mais ça prenait un bon contrepoids pour la faire descendre, la faire remonter. Et puis ça, c'était accroché avec des manivelles, des cabestans. Et puis l'avantage de cette voile-là, c'est qu'elle pouvait pivoter sur elle-même, de gauche à droite, donc s'adapter finalement à la direction du vent pour aller plus vite et non pas déplacer les voiles là, t'sais, avec un mât qui était fixe sur place. C'est le mât qui bougeait là, de gauche à droite, donc ça donnait une manœuvrabilité qui était beaucoup plus aisée et rapide là, pour les armées ou pour ceux qui travaillaient pour l'empereur, là, les commerçants, etc. Donc, c'est ça. C'était des voiles qu'on appelle motrices. Ça se compare finalement à une pôle de rideau de douche, mais au lieu de la placer horizontale, on la placerait verticale. Donc, il y a des anneaux. Les anneaux, ben, ils ramènent ça vers le bas ou vers le haut, ce qui permet d'étirer ou de refermer la toile. Ainsi, c'est un système aussi simple que ça qui a permis aux Chinois d'avoir un moyen de transport très rapide et très utile à cette époque-là. Ce qui fait en sorte qu'à partir de l'an 1421, il y aurait eu une grande flotte de navires chinois qui s'appelait la flotte des trésors. Et puis cette flotte-là, c'est celle-là qui aurait traversé finalement l'océan. Car on aurait retrouvé en Oregon des vestiges d'un navire en bois qui aurait une grandeur de 150 mètres de long. Et puis, dans le fond, eux autres, ils seraient arrivés, comme j'expliquais, 71 ans avant Christophe Colomb, qui lui est arrivé complètement de l'autre côté du continent américain, là, à l'est, tandis que les Chinois, ils seraient arrivés par l'ouest, là, pour coloniser. Car pendant le voyage de Zhang He, c'est là qu'il y aurait eu des bateaux qui se seraient finalement échoués, en tout cas, où ils auraient été, évidemment, là, stationnés sur le bord de la plage, mais avec les années, ben, eux autres, ils ont été renfloués. Mais il y aurait eu un tsunami dans les années 2000 qui aurait fait remonter les épaves à la surface, ce qui a permis aux historiens, finalement, de détailler leur théorie. Puis c'est qu'on aurait trouvé aussi d'immenses roches qui seraient des ancres chinoises, parce que les Chinois, eux autres, ils prenaient des roches qui perçaient au centre, et puis ensuite, ils attachaient une corde après ça. Donc, c'était des ancres typiquement chinoises qui pourraient permettre là, de certifier qu'ils ont passé par là. Et puis, dans le fond des grandes embarcations, comme j'expliquais tantôt, les jonques, ben, il y avait des bases de béton dans le fond pour permettre de faire un meilleur ballon. Et puis, eux autres, les blocs de béton, les Chinois, ils collaient ça avec de la colle de riz qui utilisait comme un mortier, ce qui empêchait finalement la corrosion de se développer, puis empêchait le sel de mer de faire effet sur les matériaux là, à l'intérieur du bateau. Et aussi avec les bateaux, il y a l'invention de la catapulte chinoise qui aurait été inventée il y a environ 1500 ans. Et puis, ce qui permettait d'avoir des catapultes toutes démontées qui pouvaient être transportées n'importe où à partir de leurs embarcations sur les terrains de bataille, que ce soit, comme j'expliquais tantôt, par les grands fleuves ou que ce soit sur les côtes là, maritimes, océaniques. Et puis, les catapultes pouvaient être montées là, par quelques personnes, ensuite être prête à l'utilisation. C'était des catapultes souvent qui étaient fabriquées en tiges de bambou avec des cordages qui fabriquaient une espèce de structure là, de frame carré où est-ce que finalement la seule balance qui permettait de propulser le projectile avec l'effet de levier, c'était une corde. Évidemment, il y avait des techniques aussi probablement pour crinquer la corde, faire comme les catapultes romaines, où est-ce que là, il y avait beaucoup plus de puissance qui pouvait être mise là, de tension sur la corde. Mais ou sinon, ça permettait d'avoir des catapultes qui pouvaient être utilisées là, assez rapidement là, en mettant le boulet d'un côté, puis en tirant de l'autre côté. Ça pitchait pas très loin, mais c'est que les Chinois, eux autres, souvent, il était très bon pour faire de la forgerie, donc il était capable d'amener sur les champs de bataille des forges transportables miniatures, où est-ce qu'avec ça, il pouvait faire chauffer les boulets de fer avant de les envoyer sur l'ennemi ou sur les bateaux, ce qui mettait le feu un peu n'importe où finalement. Là. Et puis là, à notre époque moderne, ils ont fait des tests, où est-ce que finalement, ils sont aperçus que les boulets de fer qui sont chauffés avec un gros soufflet vont atteindre une température environ de 800 degrés Celsius en 15 minutes. Et puis, lorsque c'est lancé sur des structures adverses des ennemis, mais ça va mettre le feu immédiatement, que ce soit sur le carton, le bois, les voiles, les cordages. Ça va automatiquement incendier finalement là, les vaisseaux ennemis. Ce qui est très pratique finalement. Là, on n'a pas besoin d'avoir un extrême boulet là, très lourd pour faire des dommages sur les embarcations. Dans le fond, en 1600 en Europe, ben aussi on a commencé à chauffer les boulets. Là. Mais encore une fois, on s'entend que les Chinois ils étaient en avance. Là. Aussi, les Chinois, avec leur invention de poudre à canon, étaient rendus capables de fabriquer des mines maritimes, supposément qu'on a retrouvé des plans dans des vieux manuscrits chinois, que c'était dans le fond un millénaire avant notre époque en Europe, là, où est-ce qu'on a inventé les mines marines. C'était des mines qui contenaient de la poudre à canon, comme à l'habitude, comme j'expliquais, avec des mèches pour les allumer qui étaient à l'intérieur de boyaux de porc. Que finalement, ça permettait à la mèche de rester au sec. Et puis, si il y avait un mécanisme en haut qui permettait d'enclencher finalement la mèche, et puis ben ça pouvait être un système qui reste sur place sans d'être que ça soit un pétard mouillé, là, que finalement, quelques semaines après ou quelques jours, que le mécanisme ne puisse pas finalement s'enclencher. Parce que ça, c'est des mines qui est installées près des corridors maritimes importants, dans des zones stratégiques militaires, afin qu'on prévoyait que les navires adverses probablement voudraient franchir ces zones-là. Donc, les mines étaient gardées à la surface avec des vessies d'animaux qui étaient cousues, plus une planche, où est-ce que le mécanisme était installé dessus. Et puis, ça permettait de garder les mines exactement au bon endroit, mais il fallait faire des tests de flottabilité avec des roches qui étaient attachées jusque dans le fond pour voir jusqu'à quelle hauteur la mine était pour se maintenir, là, si elle était à bonne hauteur. Donc, il devait y avoir des plongeurs militaires, finalement, qui s'assuraient là, que tout soit bien balancé. Et puis, il y avait une mèche qui était installée avec du coton poudre. Puis que elle, en fin de compte, si un bateau venait fracasser le mécanisme en haut, ben la mèche, elle se retrouvait être activée. Dans le fond, la mèche, elle descendait. Ça créait un frottement avec la poudre à canon. Puis la mèche, elle s'allumait automatiquement par elle-même. Ce qui, là, enclenchait le système pour que le feu descende dans la mèche, là, comme j'expliquais, avec les boyaux de porc. Et puis ensuite, jusqu'à la mine, où ce qui pouvait avoir des charges, là, assez impressionnantes. Pour créer des explosions là, qui mettaient des flottes, des navires là, à l'eau. Dans le même type d'armes maritimes, les Chinois avaient créé des espèces de roquettes, des espèces d'ancêtres finalement des missiles, des torpilles que par la suite les sous-marins ont utilisées, admettons, à la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu avant ça, là, on avait commencé à plancher sur ces modèles-là de missiles, dans le fond, avec hélice orientée dans l'eau. Et puis, les Chinois, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient fabriqué une espèce de petit dispositif, un peu comme une carapace de tortue, que là, à l'intérieur de ça, ben, il y avait une charge, finalement, un feu d'artifice, où est-ce qu'il y avait de chaque côté deux tuyaux d'échappement, puis avec un stabilisateur, dans le fond, une pointe à l'avant, plus des ailettes sur les côtés. Puis à ce moment-là, on pouvait allumer avec une mèche ces dispositifs-là pour qu'ils se mettent à flotter à la surface de l'eau, un peu comme une espèce de yacht, là. Sauf que c'était un missile en surface qui, lui, si on lançait comme ça des centaines de missiles à la fois, des dizaines de missiles, ben c'est certain qu'il y a certains de ces missiles-là flotteurs qui atteignaient leur cible et pouvaient entraîner soit des incendies ou des petites explosions là, sur les côtés des navires adverses ou sur différents types d'équipements, peut-être même à la surface du sol, là, parce que c'est un système qui était capable de se propulser là, puis de se stabiliser par lui-même. On sait aussi que les Chinois, on a retrouvé des vestiges de mines terrestres, par contre, où est-ce que là, la mine, au lieu d'être gardée à la surface de l'eau pour protéger les ports, c'était des mines, encore là, qui étaient cachées dans la terre avec un dispositif en bois que si la personne pesait sur le levier en haut, la trappe, un peu comme les mines actuelles, quand le mécanisme sur le dessus est enclenché, ça l'allumait à l'intérieur la bombe qui, encore là, s'activait avec une mèche poudrée Et puis ça entraînait une explosion de la charge à l'intérieur de la Terre, ce qui pouvait faire exploser là, les pieds, là, les jambes des opposants là, aux différentes armées. Puis souvent, les mines ou les grenades chinoises, comme on va les mentionner là, dans l'histoire, c'est que la première grenade qui a été faite en l'an 24 en Chine, ben finalement, c'était une espèce de poterie. Où est-ce que là, on faisait cuire des cuves, des espèces de boules d'argile, des boules de poterie, de terre cuite, pour finalement, à l'intérieur, mettre une charge de poudre à canon encore là, et puis avec un petit bouchon à la surface, et puis une mèche qui sortait de ça. Donc, si sur le champ de combat, on avait besoin d'envoyer une charge explosive, ben, on avait juste à allumer la mèche, à lancer la poterie ronde sur la cible, et puis ça explosait, puis à l'intérieur, ben, ils mettaient des petits projectiles de métaux, un peu comme les bombes d'aujourd'hui, là, les grenades à déflagration. Bon, ben, ils vont avoir des morceaux de métal à l'intérieur pour que ces morceaux de métal-là créent des dommages, là, créent des impacts sur les soldats là, tout le tour. Là. Donc, les Chinois, eux autres, ils avaient déjà compris ça, ça fait plus que 1000 ans. Là. Une autre invention faite par les Chinois à cette époque-là, c'était des missiles qu'on pouvait apporter avec une espèce de barouette, finalement. Là, où est-ce que là, c'était une barouette qui était montée avec un grand coffre sur le dessus, où ce qu'il y avait plein de petits casiers pour ranger des missiles, des feux d'artifice, finalement. Et puis là, du côté de ceux qui envoyaient les missiles, ben, il y avait une mèche qui parcourait tous les missiles un à côté de l'autre, fait qu'ils pouvaient avoir par exemple des stations de lancement de 25, 50 et plus missiles. Et puis là, quand on allumait la mèche, ben tous les missiles partaient et puis se dirigeaient vers l'ennemi adverse avec toutes sortes de directions différentes, là, parce que évidemment c'était pas parfaitement contrôlé. Puis là, aux extrémités de ces missiles-là, ben pouvaient avoir de petites charges explosives ou encore là tout simplement des flèches pointues. Parce que là, si le feu d'artifice, là, qui était une fusée finalement, là, très rapide, arrivait sur l'ennemi, ben ça pouvait carrément percer son armure ou percer sa peau. Finalement, avec ces stations de lancement de fusées, dans le fond, on était en avance sur les stations de missiles qu'on a retrouvées par la suite à la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, avec les orgues de Staline, les fameuses Katyusha, qui envoyaient des missiles comme ça de manière très, très, très rapide vers l'armée allemande, où est-ce que là, les Allemands, eux autres, ils étaient complètement bombardés de toutes parts par les orgues de Staline. Salut, frère! Vous êtes grand que vous ne savez pas! Je suis la rare! La claque, la gueule, c'est toi qui viens! C'est moi, toi, tes signes! Et ton petit frère! Parce que messieurs les présidents! Et puis chez moi, tu peux pas parler. Thank you.